Ici Jacques Beauchamp. Aujourd'hui, l'histoire, Klaus Barbie, le boucher de Lyon. Quelques jours après mon arrivée, on m'avait parlé de Klaus Barbie. Alors j'ai appris qui était Klaus Barbie, un démon, un chien enragé, un fou d'une trentaine d'années, pas plus, qui était le maître de la Gestapo et des SS et de la police secrète allemande à Lyon. Son travail auprès du mouvement de la résistance dans cette France occupée des années 40 va vite permettre au colonel canadien Pierre Chassé de réaliser que le boucher de Lyon, Klaus Barbie, est à la hauteur de sa réputation. Le chef de la Gestapo sème la terreur partout où il va en recourant sans scrupule aucun aux plus cruelles techniques de torture contre les résistants et contre les Juifs essentiellement. Le nom de Klaus Barbie est à jamais associé aux pires atrocités commises par le régime d'occupation nazi en France. Que je ne reconnaissais pas, bien entendu, parce que nombreuses étaient les personnes, enfin nombreuses. Il y avait au moins 3 ou 4 personnes que je connaissais, bon, et que bien entendu, je ne voulais pas connaître. Et bon, chaque photographie était agrémentée d'une série de coups, vous savez, dans l'estomac, dans le ventre, sur la tête, etc. Alors, vous savez, dans ma cellule où je me suis trouvé, j'ai vu arriver mes camarades, à peu près dans le même état que moi, c'est-à-dire le corps mutilé, en plaie. L'ancien résistant français Jean Gay, victime de la torture des hommes de Klaus Barbie, à l'émission Présent Dimanche en février 1983, pour nous rappeler le rôle déterminant de Klaus Barbie au cours de l'occupation allemande de la France durant la Deuxième Guerre mondiale. Je reçois l'historien Éric Dussault, spécialiste de la France du 20e siècle. Éric Dussault, bonjour. Bonjour Jacques. Quelle place occupe Klaus Barbie, Éric Dussault, dans cette espèce de machine infernale de l'horreur du nazisme au cours de la Deuxième Guerre mondiale? Qu'est-ce qu'il représente dans tout ça? Il m'apparaît être un pion parmi tant d'autres. En fait, c'est un être cruel, mais dans la machine nazie, c'est un parmi d'autres. C'est ce que je veux dire oui. Par rapport à Goebbels, par rapport à Hitler lui-même. Donc, c'est quelqu'un qui a été endoctriné très tôt et donc il a été complètement nazifié. D'ailleurs, oui. Il l'a dit, il est devenu nazi pour la vie après avoir lu Mein Kampf, après avoir fréquenté les jeunesses hitlériennes. Donc, c'est quelqu'un qui est cruel, ouais. Qui a une personnalité qui se distingue de ce côté-là, mais par rapport à l'ensemble de la machine, il m'apparaît être un pion dans ce sens-là. Un pion, mais un pion particulièrement efficace et zélé. Je mets ça avec des gros guillemets, mais dans ce contexte-là, talentueux. On va reconnaître son zèle, justement, et il va gravir les échelons très, très vite pour arriver haut dans cette pyramide nazie. Parlez-nous un petit peu du chemin qu'il va faire depuis son enfance, au fond, pour en arriver à être ce fameux boucher de Lyon, le nom qu'on va lui accoler. Oui. Alors, on va d'abord donner son nom, Nikolaus Klaus Barbie. Il est né le 25 octobre 1913 à Bad Godesberg. C'est dans la vallée du Rhin au sud de Bonn, en Allemagne, donc un Allemand. Dans ce cas-là, on ne parle pas d'un Français. On est en histoire de France, mais on parle d'un Allemand. Il a fait les jeunesses hitlériennes dès qu'Hitler est arrivé au pouvoir en 1933. Il a lu Mein Kampf, je l'ai dit tout à l'heure, devenu nazi pour la vie. Et après... 2 ans après Mein Kampf, il est devenu affecté au service de sûreté, l'organe de renseignement de la SS. Et dès ce moment-là, il se distingue par son zèle, par son efficacité, au moment des rafles de prostituées, d'homosexuels et de juifs. Alors, ça commence dès ce moment-là. Je rappelle qu'en 1943, donc 10 ans plus tard, il a 30 ans. Donc, il a 20 ans au moment où il commence à commettre ses crimes, déjà, les rafles. Ensuite... Mais il y croit. C'est vraiment un idéologue. Il adhère complètement à l'idéologie nazie. Tout à fait. Aucun esprit critique de ce côté-là. 1940, il s'en va aux Pays-Bas. Et là, encore là, il se distingue par son zèle, par sa discipline, son efficacité, avec les francs-maçons auxquels il s'attaque, les juifs, les immigrés allemands qui sont aux Pays-Bas à ce moment-là. Il est même décoré de la croix de fer, c'est dire comment on reconnaît sa montée, comme vous disiez tout à l'heure, Jacques. Il est envoyé en France, et ça, c'est fondamental, c'est vraiment le sujet de cette émission, à partir du 11 novembre 1942, et c'est l'occupation allemande, parce que, je rappelle, la France avant novembre 1942 est partagée en deux. Il y a les Allemands qui sont au nord, donc Paris et autour, qui occupent et le nord. qui occupe le nord. Et à partir de la zone lyonnaise jusqu'au sud total de la France, ben, c'est une zone dite libre, oui, qui est sous le règne du maréchal Pétain, un régime collaborationniste, mais qui n'est pas l'Allemagne nazie. Oui. Or, après novembre 1942, les Allemands, contre la règle de l'armistice, occupent tout le territoire français, et c'est là que Klaus Barbie arrive avec les Allemands. Et c'est pas un hasard qu'on envoie Klaus Barbie à Lyon, parce que comme Lyon est dans cette zone libre de la France avant novembre 1942, c'est évidemment là où se trouve le siège de la résistance. C'est de là que la résistance française s'organise, dans cette région de Lyon et les régions environnantes, là, l'Ardèche. Enfin, c'est dans ce coin-là que ça se passe. Comment expliquer donc le fait qu'il se retrouve à Lyon en 1942? Comment décrire le règne de la terreur qu'il va y installer? Klaus Barbie, on écoute à nouveau le colonel canadien, membre du 22e régiment, Pierre Chassé, qui a travaillé avec les résistants dans cette région lyonnaise. Extrait de l'émission Au jour le jour du 23 février 1983. Le gros de la Gestapo, comme on l'appelait, parce qu'ils avaient toujours notre peau, ou la Gestapo, si vous préférez, et les SS, il fallait qu'ils soient liants, parce que si le gros de la résistance était là, évidemment, les gens qui étaient contre nous, la plus grande menace contre la résistance et les Juifs, comme vous le savez sans doute, étaient les SS et la Gestapo, qui étaient des fanatiques. D'ailleurs, tous les gens qui avaient déjà fait partie de la jeunesse hitlérienne et qui avaient été... ça avait été un lavage de cerveau épouvantable. C'était des fous. Même l'armée allemande, ce qui va peut-être vous surprendre, c'est que nous, on les craignait beaucoup, mais les membres de l'armée allemande de la Wehrmacht, l'armée allemande régulière, avaient aussi peur de ces gens-là que nous. Avez-vous été témoin d'atrocités dont Klaus Barbie serait responsable? On a vu, par exemple, un homme qui avait été torturé, qui avait été crucifié à une porte de grange avec des baïonnettes. Mais par la suite, c'était... évidemment, les gens, ils cachaient un peu ce qu'ils faisaient. Et les gens qui étaient torturés, tout ça, étaient mis dans cette fameuse prison où ils se trouvent aujourd'hui. Alors, on ne pouvait pas voir, mais on a trouvé souvent des gens qui avaient été massacrés. Et très souvent. Et le pire, c'est qu'à la libération de Lyon, qui aurait dû être un grand jour, il y a eu beaucoup de règlements de compte entre tous les gens. Les gens qui accusaient les autres d'être collaborateurs. Maintenant, quand on parle de collaborateurs, il y a un point qu'il faut faire ici, c'est que beaucoup de Lyonnais ont collaboré. Mais ils ont collaboré parce que des gens comme Klaus Barbie et son entourage les menaçaient du pire. Les déporter, les torturer, je sais pas quoi. Alors, dans ces conditions-là, on serait peut-être devenus, nous tous, collaborateurs aussi. Il n'y avait pas le choix. Intéressant cet extrait. On comprend assez clairement deux choses là-dedans, Éric Dussault. D'abord, pourquoi il est envoyé à Lyon? C'est le siège de la résistance, donc c'est là où il faut, où les nazis doivent frapper fort. Et puis, ce fameux régime de ce règne de la terreur, on comprend très, très bien, ça sème une telle terreur que des gens vont se prêter au travail de collaboration parce qu'ils ont peur d'y passer. Parlez-moi de ça. À quoi ça ressemble concrètement, ce règne de la terreur qu'installe Klaus Barbie dans la région de Lyon? On va évoquer le cas de Jean Moulin. Oui. Jean Moulin, c'est le représentant du général de Gaulle en France. Alors, une des raisons pour lesquelles Klaus Barbie va à Lyon, c'est parce qu'il sait que Jean Moulin est dans le secteur. Et d'ailleurs, il va tomber le 21 juin 1943, Jean Moulin, entre les mains de Klaus Barbie. Oui. Il va être torturé à mort. Il va en mourir. Ouais. Et là, on parle d'un homme dans la cinquantaine qui était quand même en santé. Alors, imaginez mourir de torture, c'était pas jojo. Et d'ailleurs, ça, c'est pratique courante. La torture, beaucoup de gens seront torturés, beaucoup de gens mourront. Autre particularité encore plus horrible, si ça se peut, c'est que le côté cruel et idéologue de Barbie fait que lui-même, parfois, participe à la torture. Oui, il est là. Hein? Donc, son regard, entre autres, va marquer beaucoup les personnes qui ont été torturées. Je vais vous donner quelques-unes de ses techniques. Comme ça va un peu illustrer, justement, cette méchanceté, cette cruauté. Menottes avec des griffes. Donc, lorsque les menottes sont serrées, vous imaginez le résultat. Ensuite de ça, on peut pendre quelqu'un par les poignets. Alors, c'est excessivement douloureux. Le fameux supplice de la baignoire. Ça a marqué l'histoire, tristement, où on plonge quelqu'un, évidemment, en lui pinçant le nez, obligé de respirer par la bouche, avale de l'eau. Alors, ça, c'est très connu. Peut-être aussi connu, le nerf de bœuf. Donc, il prend un nerf de bœuf et il fouette la victime avec ça. Et dernière chose, une boule au bout d'un manche. Et cette boule-là a des pointes dessus et on frappe la victime. Ouais. Évidemment, quelques-unes des techniques. Pour aller chercher de l'information, c'est ça le principe de la torture. Est-ce que ça va fonctionner? Ça va très, très bien fonctionner. il y a eu la peau de Jean Moulin, c'est déjà un excellent résultat de son point de vue. Mais dans la seule année 1944, on a perdu plus de pertes dans la résistance que pendant les quatre années précédentes de la guerre. Donc, c'est-à-dire que quand les Allemands arrivent en zone sud, la zone des résistants, c'est un succès impressionnant. Ouais. Ça tombe comme un jeu de domino. Ouais. Mais évidemment, il y aura quand même une victoire à terme des Alliés devant l'Allemagne nazie. Ça commence, pour ce qui est de la France, avec la libération en 1944, la libération de la France. Que devient Klaus Barbie à ce moment-là, Éric Dussault? Qu'est-ce qu'il devient? Il disparaît, en fait, pendant un moment. Et en 1946, il y a un magistrat militaire qui a décerné un mandat d'arrêt à son encontre, mais sans résultat. Ensuite de ça, il y a des poursuites engagées pour des raisons de crimes commis, notamment dans le Jura. Il y a 300 hommes qui ont été arrêtés et déportés en Allemagne, où la moitié sont décédés. Donc, c'est là-dessus qu'on établit une accusation. Il est recruté, Klaus Barbie, en 1947, par le contre-espionnage américain, parce qu'il a quand même une haine des communistes. Oui. Et on est en pleine guerre froide. Tous les nazis avaient cette expertise, surveillaient les communistes du RSS. Il y en a beaucoup qui ont été recrutés. Il fait partie de ceux-là. Tout à fait. Ouais. Et dans ce cas-là, il était utile aux Américains. Il faut comprendre, là, on est dans la géopolitique. C'est comme ça que ça fonctionne. En 1952, par contumace, donc c'est-à-dire il n'est pas présent, mais il y a un jugement qui est rendu contre lui. C'est le tribunal militaire de Lyon qui condamne Klaus Barbie à la peine de mort pour crime commis dans le Jura, ce que j'ai évoqué tout à l'heure. Deux ans plus tard, encore là par contumace, il est encore une fois condamné à la peine de mort par le tribunal permanent des forces armées de Lyon. Alors ça veut dire qu'à deux reprises, sans qu'il soit présent, il est quand même condamné. Ouais. Mais où est-il? Ben, entre-temps, en fait, il a réussi à s'enfuir et à trouver refuge en Bolivie. Comment réussit-il ce coup-là? Grâce à l'aide des Américains. Il obtient une fausse identité. À partir de ce moment-là, en 1951, il est envoyé en Bolivie et il s'appelle désormais Klaus Altman. Mm-hmm. Ça va être son nom. Et il a un faux passeport. Officiellement, il est dans l'import-export, donc il a des fonctions de gestionnaire d'entreprise. Mais dans les faits, il a travaillé pendant plusieurs décennies pour les services secrets de Bolivie afin de partager son expertise à la dictature bolivienne en vue de nuire au mouvement de résistance là-bas, au mouvement de désobéissance civile, à toute personne qui s'oppose à cette dictature-là. Alors, incroyable. Il sous-traite son expertise après l'avoir fait aux Américains. Avec les Américains, il le fait avec les Boliviens. Ouais. En 71, il finit par être repéré en Bolivie. Comment remonte-t-on jusqu'à lui, Éric Dussault? Ça, c'est intéressant parce que c'est un couple, Serge et Bette Klarsfeld, juifs évidemment, qui sont au Pérou, qui mettent la main sur lui. Et on les appelle les chasseurs de nazis, ce couple-là, et ils sont très entêtés. Ils vont traquer Klaus Barbie pendant 12 ans et puis finalement, ils réussissent à le retracer à ce moment-là. Mais comme il bénéficie d'une protection au plus haut niveau dans l'État bolivien, et qu'en plus, le parquet de Munich en 1971 en Allemagne a décidé finalement de rendre un non-lieu en sa faveur, ben ce Klaus Barbie se pense finalement à l'abri des problèmes. Et c'est vrai, pendant 10 autres années, 11 ans, il sera effectivement globalement tranquille, puisqu'il va falloir attendre 1983 avant qu'on puisse finalement l'envoyer en France. Oui, après de longues négociations. Exactement. Mais il y a avant, entre 71, le moment où ce couple Klarsfeld retrouve Barbie et le moment où il sera extradé en France, il y a tout de suite après, en 72, l'année suivante, une charnière, un tournant très, très important dans l'affaire Barbie, ce qui va donner en fait énormément de visibilité à cette affaire Klaus Barbie qu'on avait un peu oubliée. C'est une entrevue. Une entrevue de la télé française. On écoute le journaliste qui mène cette entrevue, Ladislas De Hoyos, et son caméraman Christian Van Rijswijk raconter l'espèce de guet-apens, parce qu'il le piège, qu'il tende à Klaus Barbie, extrait d'un reportage à ce sujet diffusé à France 2 en janvier 2011. Tout est donc prêt pour l'interview. Comme prévu, les premières questions commencent en espagnol, jusqu'au moment où Ladislas De Hoyos brise la règle. Tout d'un coup, changement de décor, il l'attaque en allemand. Sagen, die können sicher sagen, dass sie sind Barbie. Was denken Sie über das? Ich bin nicht Barbie, wie ich schon gesagt habe, ich bin Klaus Altman. Mais utiliser l'allemand n'est pas la seule idée de Ladislas De Hoyos. Et à un moment donné, au milieu de sa réponse en allemand, je l'interromps et je lui dis en français, première fois que j'employais le français, je lui dis, mais n'êtes-vous jamais allé à Lyon? Vous n'êtes-vous jamais allé à Lyon? Ich bin nicht in Lyon gewesen, also. Allez dire ça à quelqu'un qui prétend ne pas comprendre le français. N'êtes-vous jamais allé à Lyon? Il ne comprend rien. Il m'a répondu sans la moindre hésitation, en allemand, à Lyon, j'ai pas mis les pieds. Je dis là, mon bonhomme, tout flic que tu es, tu viens de te faire avoir. Le journaliste vient de prouver que le supposé Altman maîtrise parfaitement le français. Je présente Klaus Altman. Mais il n'en reste pas là. Une photo de Jean Moulin. Je vais lui demander s'il le reconnaît. Le journaliste n'attend pas seulement la réponse de Barbie, il vient aussi de le piéger. Il pose son pouce sur la photo, ce qui me permettait d'avoir une empreinte de ce monsieur Altman. Avec cette empreinte, il espère pouvoir confondre officiellement Barbie. Quelle importance a cette fameuse entrevue à la télé française de Klaus Barbie en 72, Éric Dussault? D'ailleurs, il faut reconnaître le côté rocambolesque de cette histoire. On se croirait dans un film d'espionnage. Il faut reconnaître aussi l'intelligence de ce journaliste Hoyos, hein, qui a quand même... Il faut savoir que tout ça n'a pas été prémédité de longue date. Là. C'est au moment des faits où tout ça va lui venir en tête. Alors, lui parle en français, mais en même temps, l'autre répond en allemand, mais évidemment a compris. Donc, c'est déjà la preuve que celui qui se croit le plus rusé se fait prendre à son propre jeu. Et l'empreinte digitale. On est quand même rendu à ce moment-là, dans les années début 70. C'est quand même pas rien de laisser ses traces sur une photo. Après, pour l'identification, c'est beaucoup plus facile. Et c'est surtout que ça va donner des munitions à ces chasseurs de nazis, à ces gens qui cherchent à obtenir la faveur de l'opinion publique internationale pour mener à l'arrestation est amenée en France pour être jugé ce criminel de guerre. Et beaucoup de visibilité tout à coup. On s'intéresse, je le disais, à l'affaire Barbie. On va y arriver. Il sera extradé en France en 1983. On l'a vu, vous l'avez un peu dit, ce sera très, très long parce qu'il est toujours protégé par le gouvernement bolivien, entre autres. Mais on finit par l'extrader en France en 83. Mais c'est pas la fin de l'histoire parce que la mise en accusation de Klaus Barbie pose un réel problème à la justice française. Et là, il faut souligner le travail exceptionnel. Le juge responsable du dossier, Christian Risse. Il va mettre presque plus de 2 ans à monter un dossier avant d'arriver à poser des accusations. Pourquoi c'est si compliqué? Pourquoi? Alors, il y a un mot, prescription, pour les crimes que Klaus Barbie a commis. 1974, on est donc 20 ans après sa condamnation de 1954, et 20 ans plus tard, il y a prescription. Ouais. Il ne peut plus être accusé de crimes de guerre à ce moment-là. Alors, entre-temps, 10 ans auparavant, en 1964, la France a adopté une loi qui rend les crimes contre l'humanité imprescriptibles. Alors, le travail de Christian Risse, le juge d'instruction, pendant 2 ans, ce sera de rechercher des actes, des crimes commis par Klaus Barbie, jusque-là ignorés, qui pourraient être non pas qualifiés de crimes de guerre, parce que là, il y a prescription, mais de crimes contre l'humanité. C'est vraiment astucieux comme façon de faire, et ça va lui prendre 2 ans entre février 83 et octobre 1985, et puis finalement, il y aura 3 crimes identifiés, pour la rafle de 86 Juifs rue Sainte-Catherine au siège lyonnais de ce qu'on appelle l'Union générale des Israélites de France, c'est en février 43. Donc, premier crime. Deuxième crime, rafle de 44 enfants juifs et de 7 encadrants à Izieux, dans l'Aisne, en avril 1944. Et finalement, pour l'organisation d'un convoi de près de 650 personnes de Lyon à Auschwitz, le 11 août 1944. Et comme si ce n'était pas assez, il y a aussi un professeur, Marcel Gompel, qui a été torturé et qui est décédé et dont on a rentré le nom dans l'accusation et la déportation de 21 juifs et 37 résistants en plus de tout ça. Ouais. Alors, la coupe était pleine là, pour pouvoir mener ce procès-là. Procès qui commence finalement le 11 mai 1987. Plus de 40 ans après avoir commis ces crimes, le bourreau de Lyon venait aujourd'hui en rendre compte devant ses juges. Seul avec son avocat Jacques Vergès, il affrontait pour la première fois, presque en souriant, la quarantaine d'avocats qui s'acharneront contre lui. Mais surtout, la foule, celle des journalistes et celle des témoins et accusateurs qui sont restés bouche bée en l'apercevant. Aussitôt engagé le procès, coup de théâtre. Appelé à s'identifier devant le tribunal, Klaus Barbie choisit de se présenter officiellement sous le nom de Klaus Altman, le nom qui lui avait assuré une retraite dorée en Bolivie. Pour des gens comme Simone Kadosh, que Barbie tortura alors qu'elle était à peine adolescente, l'arrogance de l'accusé était intolérable. Lorsqu'il disait s'appeler Altman ou lorsqu'il était Barbie, quand il mentait, lorsqu'il se permettait de dire qu'il était naturalisé à une date plutôt qu'à une autre, et que je l'ai vu avec autant d'arrogance dire non, je ne répondrai pas à cette question. Je me demande jusqu'à quel point c'est normal que ce type-là ne réponde pas aux questions. Est-ce qu'il est toujours ici le chef de la Gestapo ? La communauté juive de France souhaite que ce procès ait valeur d'éducation. Pour ses propres enfants d'abord. Klaus Barbie a tué tellement de gens que c'est pas la peine de le juger. Ce n'est pas la peine, il faut plutôt le torturer chaque jour. Mais pour l'ensemble des nouvelles générations de Français aussi, comme ces jeunes étudiants du lycée Jean Moulin de Lyon qui, à tour de rôle, assisteront aux audiences. Comme on n'est pas tellement au courant, je crois que c'est assez intéressant, non pas pour juger Klaus Barbie, mais pour juger toute une époque. Extrait du reportage de Jean-François Lépine, diffusé au Téléjournal le jour de l'ouverture du procès de Klaus Barbie, le 11 mai 1987. Comment va se dérouler ce procès? Puis quel impact il aura aussi, Éric Dussault? Deux bonnes questions. Premièrement, donc, il y a 37 audiences entre le 11 mai et le 7 juillet. Il y a une centaine de victimes qui vont témoigner. Pourquoi? Parce que après trois jours, on l'a entendu, Klaus Barbie donc décide de ne pas se présenter en cour. Alors, il va suivre son procès à partir de sa cellule de prison. Et là, c'est la parole qui est libérée. Et comme on enregistre, parce que c'est la première fois de l'histoire qu'un procès pour crime contre l'humanité est filmé, oui, et en plus se déroule, donc on va enregistrer ça. Alors, ça veut dire que la parole se libère, mais en plus, elle est enregistrée. Et à partir de ce moment-là, il y a une mémoire qui se crée. On documente. Et tous les documentaires qui traitent de Klaus Barbie, aujourd'hui, utilisent ces images d'archives. Ouais. Alors, on fait histoire en enregistrant, ouais, pour la première fois, grâce à une loi qui a été adoptée quelques années auparavant en France, ce procès-là. Ouais. Alors, il y a des récits évidemment épouvantables parce que les témoins de l'époque racontent ce qu'ils ont vécu. Oui, je vais citer une femme. « Oh, ses yeux. » Oui, c'est lui, monsieur le juge. Des yeux pareils, on ne peut pas oublier ce regard, je vous assure. C'est très important parce que ce regard de Klaus Barbie, en plus de sa cruauté, ouais, a été marquant pour toute personne qui a été torturée. Alors, malgré le fait qu'il dit être Klaus Altmann, dans les faits, les témoignages, plus on ne l'a pas dit, mais il y a des documents écrits, des pièces maîtresses de l'accusation écrites, ouais, des télégrammes envoyés qui prouvent qu'il est bel et bien Klaus Barbie. De quoi sera-t-il finalement reconnu coupable au terme de son procès? Il va être coupable de quoi? Ben de réclusion criminelle à perpétuité pour crime contre l'humanité. Donc, c'est la première fois en France que quelqu'un est condamné pour ça. Et quatre ans plus tard, en 1991, il va mourir. Ouais. Mais il aura quand même été condamné avant de mourir. Et quand le juge lui a donné, au moment du verdict, la parole, il a dit « c'était la guerre est finie ». Voilà. Donc, il ne s'est pas présenté comme Klaus Barbie et en plus, il ne s'est pas excusé, ce qui, évidemment, a fait beaucoup de peine aux personnes présentes, notamment à la communauté juive. Éric Dussault, historien, ami de l'émission, responsable de l'action culturelle et de l'éducation au musée de Charlevoix. Merci beaucoup, Éric. Ça fait plaisir. Si vous avez envie d'écouter ou de rattraper nos émissions, vous pouvez le faire sur le site Internet d'Aujourd'hui l'Histoire ou en vous abonnant à notre balado-diffusion. Ici Jacques Beauchamp, je vous dis à la prochaine.